C'est plein de bâtiments en paix, sans comme des bunkers glissent en sentiment. C'est plein d'espoir et pourtant beaucoup n'en sortent que les pieds devant. On dit que les jours se ressemblent et que rien n'est gagné d'avance. Les parents des gosses francs veulent pas avoir leurs enfants dans la flamme. On se barricade dans les traditions pour fuir le vrai problème. Mais la mauvaise graine germe, les portes se referment. La famille renie l'ironie du sauve-qu'il. Renie de toute son éducation pour se fondre dans le deal. C'est plein de gars comme lui qui n'ont pas saisi leur chance. Adepte à la petite délinquance, c'est des talents perdus dans le non-sens. Ça préfère traîner, faire pleurer sa mère et foutre le dawa. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Je préfère descendre en bas pour voir mes gars. Laisse tomber les gars, mon vieux, je cause pas du coup de pinko. C'est pas parce qu'il y a pas de sportifs sur leur dos, je mets le paquet. Parce qu'ils ont piqué, les keufs les veulent tous au piqué. Plonger dans la fumée à s'en fumer, tirer sur le bédo. Pour sur le béton, putain, on a rien trouvé de mieux, c'est bête, hein. À part le butard, la France, la réputation Zidane. Pour rien, ils se donnent, en baratin, tous au moins Zidane. Le mal qu'ils se donnent, pour réussir au vice, ils s'adonnent. Jamais je vais voir culé en crime crapuleux, ici ça pue le. Bandit à foutre le palu, le quotidien, si tu l'as pas lu. Les faits divers en pollu, t'es pas le premier à appeler les poilus. Le respect changer son aspect, le pire se fasse pas. Hey yo, tout se paye, il n'en est pas conscient. 18 ans, feignant, fait rien et veut de l'argent. Prêt à tout pour épater, les refs se retrouvent bêtement chez les keufs. Tape les meufs, peu crédibles, sans rentrer soir sur le turf. Il adore prendre, déteste rendre, pour surprendre. Sa vente à rond de chef de bande, tout le monde rêve. À son sujet, l'excès le connaît. Ça fait une fiction, ma parole c'est tout, je sais. Même passer la nuit dans son lit, il se l'admet. D'après tous ses actes, apparemment, ils se sont prêts. Faire de la malle, quitte à prendre des coups, trop de cavale, ceux qui mènent une vie de fou, pour ça, on ira jusqu'au bout, dans les dalles, respect à tous les coups. Faire de la malle, quitte à prendre des coups, change, tout s'aggrave, il tourne autour de lui-même. Se rend compte de son inutilité dans le quartier. Se noie dans tous les courants négatifs. Sous l'offensive, les nerfs à vif. Il y a de haut en haut comme le font les fugitifs. C'est fou comme il réagit. Y'a plus de conscience comment mépriser l'amour que lui donne sa famille. Et puis, y'a plus de confiance en lui. Y'a plus de parole, y'a plus d'amis. Pourtant bien encadré, préfère mener cette triste vie. Chaque soir, médecin, c'est le médecin, mon vieux, qui mate ça. Hormis de ça, la thune, ça va de soi. Guide cette vie, tiens, tu veux une vague, ça. C'est vite fait ici, pas que je m'en félicite. Car ce qui fait le site, c'est pas le son, mais ce que fait le shit. Vas-y, fais tourner, qu'est-ce que tu fais? C'est pas la joie, s'il y a pas le joint, n'attends pas le jour. Ou t'as pas le d'être un poids léger en face d'un poids lourd. Pour découvrir par la tape la rue, ça n'est pas un jeu. C'est vrai qu'il est passage, et en plus il est passager. Tout ça pour dire que ça va passer, que c'est passager, c'est pas ça que j'ai choisi. Pris pour excuse, j'ai même pas songé. C'est plus fort que lui, jamais rien dans les poches. Mais se paie les derniers survêt de la cause pour épater ses proches. Passe la mise au poste, ressort le lendemain, prêt à refaire des négoces qui nous stoppent. C'est pas de clore comme un clerc, c'est qu'on te propre. Jeune délinquance précoce vise. Vol, baston, galère, bise, on dit que la fougue ça tise. Mais c'est juste cette vie de fou qui t'épuise. Je t'ai dit que ça à tous les gars qui sont passés par là. C'est des mon cerf, cherche pas de morale, c'est pour la rue, on love. Love. Faire de la malle, quitte à prendre des coups. Ceux qui mènent une vie de fou, pour ça, on ira jusqu'au bout, dans les dalles. Respect à tous les crous.